Mes amis, quelle soirée de malade mental j'ai passée hier soir. Figurez-vous que j'étais tranquillement chez moi, en train de faire de la moto, quand d'un seul coup... Nom de Dieu, Zouzou, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as foutu une de ces trouilles. Écoute, Zouzou, je comprends rien. Et puis enlève cette boule de cuir que t'as dans la bouche. J'ai invitation pour la fête Sadomasoa. Mais c'est quoi une fête Sadomasoa? Ah, c'est des super fêtes. Tu mets des claques sur les fesses, tu passes le téton, tu fais pipi sur les chaussures, tu... Quoi? Des fêtes où tu peux faire pipi sur les chaussures? Mais à celle-là, Zouzou, il te dit, ah, c'est partout. Tu peux mettre des baffes dans le gueule, des coups de pied dans le ventre, tu peux utiliser le fouet, ou extincteur, les bougies, des chiens, des vieux... Tais-toi, Zouzou. Toi, dégoûté? Non, moi, excité. Allez, viens, on y va! J'ai envie de te dire, banco, mon travelot! On a donc été à la fête Sado-Mazoa de Zouzou. Punaise, mes amis. C'était une fête Sado-Mazoa des familles. Tout Jésus! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le mot, c'est un dominator! C'est bon! Mais pourquoi est-ce qu'il vient vers moi? Ouah, la chance que t'as, Almout, la chance que t'as! Lèche mes bottes. Pardon? Lèche mes bottes, fumier. Ah, t'as de la fièvre, toi, village people. Ta gueule, bâtard. Ah, c'est comme ça, tiens. La nouvelle vient de tomber. Quelle nouvelle? Dans 5 minutes, tu vas appeler SOS Médecin. Et pourquoi? Parce que je vais te casser les jambes en deux et je vais te crever un œil. Vous me connaissez? Une promesse est une promesse. Je l'ai martyrisé, le marsouin. Une fois dans l'ambiance, je me suis lâché comme un furieux. J'ai fait plaisir à tout le monde, je peux vous le dire. Pendant 27 heures, j'ai mis des baffes à tous ceux que je croisais. Je suis devenu un vrai héros chez les Sadomasoa. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec Valérie chez Auchan. En ce moment, il y a des promos sur les cercueils en chaîne. Allez, au revoir.